Hey Tilale, du hörer på Appellisten. Appellisten är en spin-off av Cornelius Oxyra, lite från sinen dedikert till undergrundskulturen, till appelplaneten och till punk rock i den bredde förstand. Voilà, alors vous demandez peut-être pourquoi vous avez entendu une intro en norvégien. Eh ben c'est parce qu'aujourd'hui nous sommes le 17 mai et que vous écoutez un épisode de la Apelist consacré à la Norvège. Et donc j'ai à mes côtés Grey Pigeon et qui est Cédric, qui est donc le norvégien de service. Velkommen, allez, bonjour à tous. Donc voilà, donc Grey Pigeon, certains de nos auditeurs te connaissent certainement parce que tu officies dans le podcast Comics Fair, donc comme son nom l'indique, qui parle de podcast de comics. Et on a également à nos côtés l'ami Draven, que l'on connaît, que les auditeurs connaissent, ceux qui écoutent 24 FPS en tout cas. Salut Draven. Exact, merci beaucoup de me donner des prétextes de parler musique. Je suis un peu la caution brutale de cette émission. Non mais tu sais que j'adore causer de ça en plus, donc merci de m'avoir avec vous. Voilà, tu es la caution brutale et la caution capillaire également. Ah, ouais, oui, j'allais dire la caution chevelue. Ok, d'accord. Ça me va. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois de faire une petite annonce. Ceux qui écoutent les podcasts de Cornelius Enzira et de l'Hypeist dans l'ordre savent peut-être que depuis quelques temps, j'ai rejoint un réseau d'entraide qui s'appelle Podcastéo. Alors, c'est pas que un réseau d'entraide. Initialement, c'est un classement de podcasts. Ils ont organisé un classement. C'est un peu une sorte de médiamétrie version podcast. Ils s'appuient sur le nombre de followers sur les réseaux sociaux, le nombre de commentaires sur iTunes, ce genre de choses, pour essayer de donner une estimation de l'écoute, de l'audience des podcasts, donc du podcast indépendant francophone. Et alors ça, c'est en premier lieu. Et suite à ce classement, ils ont eu l'idée de peut-être de proposer à certains podcasteurs de recommander d'autres podcasts. Et voilà, moi, si on me dit s'il vous plaît, je dis oui. Après avoir recommandé, j'avais déjà recommandé Perspective et Frustration, je recommandais Pictures, et donc ce soir on va vous parler de G7. Alors G7, c'est pas un podcast sur les taxis, hein. C'est le nom d'un podcast sur les jeux vidéo. Donc les participants à ce podcast essaient d'établir la liste des meilleurs jeux vidéo qui sont sortis donc sur les consoles de 7ème génération. Voilà, tout ça avec du fun et des bisous doux. On vous invite à aller faire un tour. De toute façon, vous retrouverez à la fois le lien pour G7, mais aussi pour 24fps et pour Comics Fair dans le descriptif de cet épisode. Donc voilà, on va pouvoir enfin aller trancher des têtes de trolls hauts de 30 mètres de haut, hein. On sort les épées et les haches à double tranchant et on attaque enfin cette Apelist dédiée à la Norvège. Vous vous demandez donc pourquoi le 17 mai on parle de la Norvège. Les plus cultivés d'entre vous, j'imagine la plupart d'entre vous, savent que le 17 mai c'est la fête nationale norvégienne. Et donc l'un de nos intervenants, donc notre cher Grey Pigeon, tu vis en Norvège et donc tu vas peut-être nous parler un petit peu de ce que représente le 17 mai en Norvège. Ouais, alors avant d'en arriver là, on va faire un tout petit point géographie d'abord, parce que tout le monde ne sait pas où est la Norvège. Est-ce que déjà vous deux vous savez où c'est? Ouais. Ça va, ouais. Parce que j'ai étudié un peu l'histoire là. Dans le métal, il s'est passé un peu de trucs, donc il y a un moment, je me suis renseigné, donc ouais. Mais sinon, j'avoue qu'avant ça, c'était vague. Ouais, bon, moi j'ai toujours été passionné de géographie, hein, donc on va dire au nord du Danemark et à l'ouest de la Suède. Parfait, ouais. C'est exactement ça. C'est au nord de la Suède, à l'ouest de la Suède et aussi à l'ouest de la Finlande. Et également à l'ouest de la Russie, parce que la Norvège a des frontières communes avec la Finlande et la Russie tout au nord. Ben oui. Maintenant qu'on sait à peu près où est la Norvège, on va arriver à ce que représente le 17 mai, donc Sotne Mai en norvégien. Mais avant ça, il faut faire un tout petit point historique. Vous n'êtes pas sans savoir que les Norvégiens ont été des grands conquérants en Europe, hein. Les Vikings étaient norvégiens. Et c'est une période qui a duré du 9e au 14e siècle. Suite à cette grande période-là, la Norvège s'est retrouvée relativement affaiblie après plusieurs batailles et plusieurs défaites, notamment face aux Anglais. Elle s'est retrouvée rattachée au royaume du Danemark. Et ça a duré ça jusqu'au début du 19e siècle. Et le Danemark, par contre, eux, ils ont une mauvaise idée, c'est de contracter une alliance avec Napoléon. Donc quand les Anglais et les Prusses ont fini par vaincre, en tout cas en 18... Les Prussiens. C'est la Prusse et les Prussiens. Il y a eu plusieurs batailles que Napoléon a perdues. En 1814 notamment, il y a eu plusieurs batailles au nord que les Anglais et les Prussiens ont gagnées. Et du coup, spéciale dédicace à Fred, la Norvège a été offerte en cadeau au royaume de Suède. Vous saviez que... D'ailleurs, c'était déjà un Français, le roi de Suède. C'était déjà un Bernadotte, C'est ce que j'allais dire. En fait, il n'était pas encore roi à l'époque. Il dirigeait la Suède, mais il y avait encore un roi qui était très vieillissant, qui était encore sur le trône. Et Bernadotte, donc, avait été mis sur le trône. Enfin, en tout cas, avait été parti en Suède pour diriger le pays. C'est Napoléon qui l'avait mis là. Et Bernadotte c'est un de ses généraux, c'est ça? Ouais, c'est un de ses généraux, qui l'a trahi, a trahi Napoléon pour faire alliance avec les Anglais. C'est le vil Bernadotte. Et le roi actuel de Suède est toujours issu de la famille de Bernadotte. Ok. Alors les Norvégiens à cette époque-là, ils sont pas du tout ravis de cet état de fait. Et en réaction, ils vont fonder une convention nationale et ils vont déclarer l'indépendance du royaume de Norvège et adopter une constitution. D'ailleurs, c'est la seconde constitution écrite la plus ancienne encore en vigueur en Europe. La première, c'est Saint-Marin. Donc c'est quelle année ça? Là, on est en 1814. Et donc, ils donnent ils écrivent cette constitution le 17 mai 1814. Et ils choisissent un prince danois comme roi. C'est Christian Frédéric de Danemark. Sauf que Christian Frédéric, il va pas rester roi bien longtemps parce que Bernadotte, il est pas très content. Il va déclarer la guerre à la Norvège et il va conquérir le pays en 15 jours. Donc, la Norvège va devenir donc un royaume relativement distinct, autonome, mais sous tutelle danoise. Et la Norvège ne sera vraiment indépendant qu'en 1905, qu'ils vont obtenir d'ailleurs sans effusion de sang. Donc voilà, ça c'est l'historique du 17 mai. Le 17 mai, donc c'est le 17 mai 1814, la rédaction de la Constitution, mais la Norvège n'est devenue indépendante que presque 100 ans plus tard. Ok, ouais, donc finalement c'est un État, même si c'est un État qui a une histoire qui est millénaire, c'est un pays assez jeune. Au final, c'est un État très récent, ouais. qu'on n'y pense pas nécessairement. Alors on en vient à ce 17 mai, qu'est-ce qui se passe en Norvège le 17 mai? Alors c'est une fête incontournable qui est célébrée en fait depuis 1820, donc encore sous le joug suédois, et au départ les Suédois le vivaient très mal, parce que les Norvégiens vivaient en fait le fait de célébrer leur constitution comme un moyen de célébrer leur nationalisme et leur différence du voisin suédois. Mmh. Et c'est suite après, alors ça a duré hein, comme ça, c'est jusqu'en 1840 à peu près, les Suédois ont fait la guerre à ça, puis après ils ont laissé tomber, allez-y, faites votre fête. c'était le Norvégien est trop têtu. Mais c'est une fête qui va rester assez controversée en Norvège jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le fait d'être, parce qu'en fait, en Norvège, le fait d'être nationaliste, c'était assez mal vécu. Et c'est le comportement de résistant des Norvégiens pendant la guerre qui va réveiller leur sentiment national, et le fait de célébrer leur journée ne va plus être un problème pour eux. Donc c'est une fête, celle qu'on a actuellement, c'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale qu'elle s'est instaurée. Mais D'ailleurs la Seconde Guerre mondiale qui a aussi son importance dans ce on a parfois peut-être que les gens ont l'impression que la Scandinavie c'est un truc d'un seul tenant, donc faut pas oublier donc pendant la Seconde Guerre mondiale la Norvège était du côté des alliés, ouais. Les Suédois étaient supposés neutres et ouais. les Finlandais par contre ont été du côté des Allemands parce que ils voulaient récupérer les Suédois aussi. Oui, voilà. Ouais. C'est pour ça que je dis supposément neutre, parce qu'ils ont laissé passer des convois allemands, il me semble. Et j'avais entendu dire, alors je sais pas si c'est vrai, peut-être que tu peux le confirmer, que les Norvégiens ont gardé longtemps rancœur par rapport à leurs voisins suédois concernant leur attitude pendant la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Il y a une vraie rivalité entre tous les pays scandinaves. À ce point, vraiment quoi. Mais parce que chacun en fait s'est dominé l'un l'autre à différentes périodes de l'histoire, et donc ils sont toujours une petite, c'est des pays frères, mais il y a quand même une petite rivalité qui existe toujours, pas de la haine, hein, on n'est pas du tout là, mais ouais. c'est ouais Voilà, des petites animosités comme ça qui ressortent. Ah, c'est marrant. Temps, c'est bah, tu vois, moi, je savais, rien qu'entre la Norvège et la Suède, je savais que musicalement, il y avait... En fait, ils sont à la fois amis et effectivement rivaux, comme tu dis, ouais. Mais je pensais pas qu'il y avait un contexte beaucoup plus général. Ils sont tous d'accord sur une chose, c'est que les pires, c'est les Danois. Ah, d'accord. Parce que le Danois, historiquement, c'est le pays riche, c'est le pays dominateur, c'est celui qui... Ils ont tous été sous une domination danoise pendant le plus longtemps. Mais finalement, c'est peut-être la Norvège qui a le mieux tiré son épingle du jeu, vu que la Norvège actuellement, des quatre pays scandinaves, bon, j'inclus pas l'Islande, même si l'Islande culturellement est aussi, on pourrait, mais c'est la seule qui fait pas partie de l'Union européenne. Le Danemark, la Suède et la Finlande, carrément, ils font carrément partie de la zone euro. Le truc, c'est que historiquement, la Norvège, c'est le pays pauvre de la Scandinavie. On compte pas l'Islande, c'est un pays de pêcheurs et de coupeurs de bois. Jusqu'aux années 60 où la Norvège a fait fortune en découvrant du pétrole. Et je pense qu'ils ont gardé dans ce côté un petit peu, j'allais dire un petit peu bouseux, un petit peu de la campagne où ils aiment bien être entre eux, tout seuls entre Norvégiens. Je pense que c'est lié à ça, le fait qu'ils aient jamais voulu rejoindre l'Europe. Outre le fait non plus de qu'ils aient pas voulu forcément partager leur richesse parce que c'est un pays riche, jeune. C'est ça aussi qui explique les Finlandais. Alors on n'est pas censé faire un épisode géopolitique, mais il y a des raisons qui expliquent notamment le fait que les Finlandais ont été du côté des Allemands et qu'ils à l'époque pendant la Seconde Guerre mondiale ils avaient repoussé la frontière vers l'est. Donc ils avaient repris plusieurs centaines de kilomètres, la frontière s'était décalée vers l'est de plusieurs centaines de kilomètres. Donc ils avaient repris un sacré bout de territoire aux Soviétiques et les Soviétiques leur ont fait lourdement payer. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est des choses qu'on ignore généralement dans le reste de l'Europe, parce que la Finlande c'est un pays auquel on s'est peut-être pas beaucoup intéressé, mais ça a carrément donné, on parle de finlandisation d'un État quand un État est sous la domination d'un autre, mais de manière complètement sous le tapis. Et ça beaucoup de gens l'ignorent, mais jusqu'à la chute du régime soviétique, la Finlande était tenue par Moscou, et ça explique pourquoi ils étaient dans les années 90, c'était un peu moins bien économiquement et que du coup ils sont rentrés dans l'Union européenne et qu'ils sont également rentrés dans la zone euro, ce qui n'est pas le cas de la Suède et du Danemark et encore moins la Norvège qui elle s'en sort tellement bien qu'ils ont même pas besoin de l'Union européenne. Bah, revenons-en vite fait au Sotnemaï, parce que certains pays, on les nommera pas parce qu'on veut rester sympa, ils célèbrent leur fête nationale avec une parade militaire. Le 17 mai en Norvège, c'est complètement différent. C'est une fête vraiment pour tous et qui est vraiment tout particulièrement consacrée aux enfants. Et là, vous allez me demander, mais en quoi consiste cette journée ? Ben ouais, mais oui, en quoi consiste cette journée ? Alors, je vais vous faire un petit topo de la journée. On est le 17 mai aujourd'hui, au moment où on sort le podcast. Donc, ce que va être ma journée. Donc, la journée commence très tôt, avec dès le petit déjeuner un repas spécial, donc le repas du Sotnemaï, qui est souvent partagé entre amis et voisins. On fait venir soit on va chez les amis, soit ils viennent à la maison. Et là, attends, on mange tout de suite au petit déj. Tu prends. Et là, on mange du pain frais avec les voisins. Putain, c'est chaud. Ok. Oui. Ouais. On mange du pain frais, des œufs brouillés, du saumon fumé, et on boit du champagne. Ah ouais. Alors, faut savoir que quand on dit on boit du champagne en Norvège, c'est on boit du mousseux. Hein. Ah ok. D'accord. Parce que l'alcool c'est très très cher. Donc boire du vrai champagne, c'est réservé aux gens fortunés. Vient ensuite le temps du défilé, où en fait on a des cortèges d'enfants qui sont menés par des fanfares qui défilent à travers tout le pays. Donc on sort pas nos canons, on sort nos enfants. Et les enfants marchent dans la rue. Et le plus grand des défilés traditionnels, il attire des dizaines de milliers de personnes qui chacun a son drapeau en criant « Hourra, hourra !» Et à Oslo, donc le plus grand, le cortège va jusqu'au château de la famille royale qui passe la journée au haut de ce balcon à faire coucou à la foule. Ok. Chaque maison doit arborer le drapeau du pays. Donc même moi qui suis français, j'ai mon drapeau norvégien aujourd'hui. Ça peut paraître très nationaliste, mais c'est avant tout, c'est très bon enfant, hein, comme je l'ai dit, hein, ça vient vraiment de cette tradition, de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils sont fiers d'avoir résisté à l'allemand, et donc ils sont fiers d'arborer leurs couleurs. Ok, mais ça a l'air bon esprit en fait, ça a l'air bien cool. En fait, c'est hyper consensuel, et c'est avant tout pour les enfants. Donc en fait, les parades, elles se dirigent toutes vers les écoles, Et à la fin de la journée, tout l'après-midi, généralement, les enfants et les adultes réunis dans les écoles participent à des kermesses où un petit peu d'argent est récolté pour les activités extrascolaires de l'école. Classe. Et peut-être petit point météo et astronomie. Le 17 mai, quel temps il fait en règle générale, hein, pas nécessairement aujourd'hui, mais... Il pleut. Il pleut. Ouais, tous les ans, ah mince, il pleut. Ah, super. Tous les ans, il pleut. Mais le Norvégien, c'est une vraie grenouille. Ça lui est égal. Mais le 17 mai, le jour se lève à peu près à quelle heure et le soleil se couche à peu près quand? Alors, on enregistre là à 21h36. Il fait toujours jour chez moi. Et le soleil se lève aux environs de 4h, 4h30 du matin. Ah ouais, donc ça fait quand même des très très longues journées, quoi. Putain. Bah, quand je dis qu'on se réunit pour le petit déjeuner, on va pas se réunir au lever du soleil. Hein. Ouais, putain. Sinon, la journée est interminable. Mais les défilés commencent généralement vers 9-10 heures. Donc le petit déjeuner, c'est avant quand même. Et après, les gens font. Alors j'imagine, il y a peut-être pas de feu d'artifice, parce qu'un feu d'artifice quand le soleil est encore levé, ça peut-être pas terrible. Oui. Ou alors ils font un feu d'artifice vraiment, vraiment très tard. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont des. C'est interdit, mais alors c'est une vraie tradition. Les gens font claquer des pétards en fait. C'est le 17 mai et c'est le 31 décembre. Ok. Mais il n'y a pas de feu d'artifice comme on l'entend en France. Ça, j'en ai jamais vu. Peut-être à Oslo. Moi, j'habite pas à Oslo. J'habite à Trondheim. Mais à Oslo, en tout cas, à Trondheim, on n'a pas ça. Ouais, ce qu'il faut peut-être aussi préciser aux auditeurs qui n'auraient peut-être pas la carte de la Norvège dans la tête, Trondheim, on est vraiment très au nord. Ah, pas très au nord. On est à peu près à mi-chemin. Et la ville la plus au nord, c'est Tromsø. La dernière grande ville. Après, ça monte encore jusqu'à toute la partie la Laponie. Mais Trondheim, c'est une ville qui est à 5 ou 600 kilomètres au nord d'Oslo. Et donc, par rapport au cercle polaire, t'es où? Je suis quand même bien en dessous. Je suis peut-être à presque 1000 kilomètres quand même. Hein. Ouais, quand même, quand même. Mais par contre, Tromsø, la ville qui est tout au nord, ouais, elle est sur le cercle polaire. Ouais. Sympa. Ouais, bon, on va peut-être pas expliquer que c'est grâce au Gulf Stream et tout ça. Hein. ça fait un peu trop de géographie, là. Alors, juste pour en finir sur le 17 mai, une fois qu'on a bien mangé les œufs brouillés, le saumon et tout ça au petit déjeuner, dans la journée, en fait, on mange sain. Le Norvégien mange sain, donc le 17 mai, c'est hot dog et glace. Ah ouais, génial. C'est la journée des enfants, donc c'est le repas préféré des enfants. C'est relâche, voilà, quoi. C'est ça. Et alors, juste sur l'habillement, parce qu'on s'habille pas n'importe comment le 17 mai non plus. Le vrai costume traditionnel s'appelle le bunad. Qu'est-ce qui signifie? Alors c'est le costume traditionnel. Je sais pas. Ouais, okay. Je couperai ça au montage. Toutes les femmes quasiment le portent ce jour-là. Beaucoup d'hommes aussi, mais les hommes, sinon ceux qui n'en ont pas, portent le costume. C'est un costume qui coûte très cher, mais c'est un costume qu'on garde toute sa vie. Il en existe des dizaines de sortes différentes et chaque couleur en fait et les styles indiquent d'où on vient en Norvège. Et c'est très joli. Quand on est étranger, non, il n'y a pas un truc spécial? Quand on est étranger, comme moi, il faut si on va défiler, il faut sortir avec son plus beau costume. Ok. Donc si vous avez la chance de venir en Norvège à cette période de l'année, c'est vraiment quelque chose à pas rater. De toute façon, vous ne pouvez pas le rater parce que c'est bruyant, les fanfares. Ah bah j'imagine, ça fait du bruit. Ça doit pas passer inaperçu. Hein. Non. Sympa. Voilà, ouais, j'ai fini écoute, mon merci petit beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir fait voyager. Voilà, je rappelle que cet épisode est sponsorisé par l'Office du tourisme norvégien. Voilà, Cornelius Enzira, on n'a pas de Tipeee, mais on a des idées. Donc, ouais, il va peut-être quand même, bon, à la base, j'imagine que la plupart des auditeurs sont là pour entendre parler de musique. En plus, là, on revient un peu aux fondamentaux de la hip-list, vu que ces derniers temps, on est un peu parti dans tous les sens. Là, on revient vraiment sur de la guitare saturée, sur des trucs qui bourrent. Vu que c'est toi qui as le micro, on va te le laisser encore un peu, Grey Pigeon. Donc, est-ce que tu peux nous parler du premier groupe et du premier morceau que tu as choisi pour cette hip-list? Alors, on va parler d'un groupe qui s'appelle Audrey Horn. Qui est un groupe de hard rock originaire de Bergen. Alors juste pour, on va continuer un petit peu la géographie. Bergen, ah bah oui, tant qu'on y est, allons-y. C'est la deuxième ville de Norvège et elle est située vraiment à l'ouest du pays. C'est une ville qui est très connue pour avoir le plus haut taux de pluviométrie du pays. Alors déjà que moi je peux dire à Trondheim on est servi, Bergen c'est encore pire. Je pense même que c'est un des taux les plus élevés d'Europe. Hein. Donc les gens n'ont qu'une envie, c'est de se retrouver à l'intérieur pour écouter de la bonne musique. Et Audrey Horn en fait partie. C'est un groupe alors qui tire son nom évidemment du personnage, si vous êtes familier de l'univers Twin Peaks, du personnage qui est très énervant et très attachant à la fois interprété par Sherilyn Fenn. C'est un groupe qui est issu de la scène black metal. parce que plusieurs membres du groupe ont fait partie d'autres groupes assez connus comme Enslaved, dont on va reparler un peu plus tard, ou Gorgoroth. Ouais. Mais ils font une musique hyper éloignée du black metal, parce qu'ils font du hard rock hyper classique, très mélodique. À tel point que leur premier album a été produit par Joe Barresi. Alors, je sais pas si tu vois qui c'est, Zaius, Joe Barresi. Là, comme ça, ça me dit rien. Mais je sens que tu vas m'éclairer. Ah ouais, tu vas voir. C'est un producteur américain qui est issu de la scène stoner, et on lui doit la production d'albums de Queens of the Stone Age, de Fu Manchu, des Melvin ou de Clutch. Ok. Donc le gars a un CV qui tient la route, on va dire. C'est ça. Alors, le groupe a pris un virage après 2010, et surtout en 2013 avec l'album Youngblood, où ils sont passés d'un style post-grunge. Les tout premiers albums, ça sonne vraiment comme du Audioslave ou du Silverchair, pour arriver à un style plus mélodique avec des harmonies à deux guitares lead. Alors moi, je suis pas musicien, donc ça doit vous parler à tous les deux un petit peu plus qu'à moi. Un peu, ouais. Mais leur style maintenant me fait beaucoup plus penser à ce que peut proposer Iron Maiden ou Thin Lizzy, en tout cas ce qu'ils faisaient dans les années 80. Ah ouais, d'accord. Et le morceau Redemption Blues qu'on va écouter maintenant, c'est le morceau qui ouvre justement cet album Youngblood. We'll be right back. Bah, très cool, hein, Audrey Horn. Moi, je connaissais... en fait, je crois que j'avais jamais écouté, pour être franc. Je connaissais de nom. Ouais, en plus, j'avais... Alors, c'est bizarre, parce que moi, j'ai découvert Twin Peaks très tard, donc du coup, j'avais entendu parler du groupe avant de voir Twin Peaks, et c'est en voyant Twin Peaks que j'ai compris, en fait, le truc. Bref. Et non, il y a un truc dans le morceau, là, que j'ai vraiment kiffé, c'est vers la fin, avant... Alors déjà, en préparant l'émission, pour être franc, je me suis surpris à chanter un petit peu chez moi et tout... I'm going nowhere. Je me suis dit, ok, c'est bon. Je crois que le morceau est quand même pas dégueu. Ça va, ça passe bien. Non, et puis ouais, avant le dernier refrain, je crois que c'est, il y a un break où il change de tonalité et tout. Moi, je kiffe vraiment ce genre de truc. Donc, belle découverte. Franchement, voilà, je connaissais pas. Et je savais pas non plus, en fait, c'est toi qui me l'as dit avant de faire l'émission, qu'il y avait des membres en commun avec Enslaved, qui est le groupe dont je vais parler maintenant. Donc, groupe de black metal. Alors, le black metal, je vais pas faire l'histoire du truc, parce que là, on en est pour une dizaine d'heures, et en plus, je pense que je suis la personne la moins indiquée pour faire ça, vu mon historique conflictuel avec ce genre du metal. Pour faire simple, t'aimes pas. Je peux pas les saquer. Mais non, mais en plus, tu nous l'as dit avant l'émission, t'aimes pas la Norvège non plus. On t'invite, tu sais pas pourquoi. Non, ça je dirais pas, par contre. Non, j'aime beaucoup la Norvège et non, visuellement en plus, c'est un pays qui m'attire. En fait, j'ai appris. Si je dois résumer vraiment le truc, le black metal, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à fin des années 80, début des années 90, il y a une bande d'adolescents excités en mal de sensations fortes qui ont voulu prendre vraiment toute l'imagerie la plus démoniaque du métal au pied de la lettre et en plus faire une musique qui sonnait vraiment hyper chelou. Enfin, plus ça sonnait dégueulasse et plus c'était démoniaque. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, les fans de black metal doivent être en train de s'arracher les cheveux, mais enfin moi c'est ma vision du truc. Et il y a des tas de raisons pour lesquelles je j'accroche vraiment pas. Et le truc, c'est que j'ai côtoyé pas mal de black metaleux dans ma vie qui m'ont vendu, survendu le truc et qui mais pendant littéralement des années, d'ailleurs ça continue encore pour certains d'entre eux, qui continuent à me dire ah mais ça tu devrais bien aimer. J'ai jamais vu ça dans aucun autre style, tu vois, des mecs qui lâchent pas le morceau comme ça pendant des années alors que c'est vraiment pas ma cam. Et pourtant, un jour, il y a un pote qui m'a parlé de Enslaved, qui a une approche un peu différente. Alors pas sur les tout premiers albums, parce que les mecs, ils sont là. Je crois que c'est un groupe qui date de 91. D'ailleurs, ce qui me fait délirer, les deux membres fondateurs, ils avaient 13 et 17 ans quand ils ont monté le groupe. C'est, je trouve ça génial, ouais. Au début, ouais, c'est du vrai black metal, donc avec le son tout pourri enregistré au fond d'une grotte, machin. Au début des années 2000, il y a un espèce de virage musical chez Enslaved, ce que je trouve super sympa, où ils ont commencé ils ont eu une approche plus mystique du truc, en fait. Déjà, c'est un groupe qui est assez progressif, alors dans le metal, hein, du coup, mais qui va mélanger des ambiances parfois agressives avec des trucs un peu plus planants, des textes aussi hein, vachement inspirés de la mythologie nordique, évidemment. Et ouais, il y a eu, voilà, je crois que c'est vers 2003-2004, il y a deux albums, Isa et Rune, c'est deux, Isa en 2004, Rune en 2006, où il y a un vrai virage où ils commencent vraiment à mélanger leur ancienne identité avec quelque chose de plus, à la fois progressif, plus complexe et très très planant avec des ambiances. Enfin, moi, je sais pas vous, mais je trouve il se passe plein de choses là dans le morceau que j'ai choisi, que c'est le morceau Rune de l'album Rune. Je sais pas, c'est hyper riche en termes de sonorité, et moi à l'époque ça m'a mis une petite baffe, quoi. Je me suis dit merde, il y a ça dans le black. Alors, je sais pas, après. Très honnêtement, moi, ça, le morceau-là, je l'ai vraiment adoré, quoi. Ouais. Du coup, j'ai un peu écouté aussi, j'ai un peu picoré dans leur discographie, et je pense que c'est un groupe sur lequel je vais me pencher. Alors après, moi, je connais très mal, hein, le black metal, mm-hmm. Donc je me garderai de tout jugement. Ben, c'est vrai que les productions avec, t'as l'impression que la grosse caisse, c'est une porte qui claque. Ouais, ouais. Effectivement, ça m'a jamais trop attiré. Et puis, le délire maquillage et compagnie, sans parler de certains de certaines obédiences politiques de certains membres. Voilà, on va pas partir là-dessus, c'est des choses qui voilà qui bah, ça existe, qui me débectent complètement. Mais voilà, mais ouais, et heureusement il y a pas que ça en fait, il y a pas que des voilà. Il y a pas mal de folklore quand même, le côté politique, c'était très vrai dans les années 90, de ce que j'en sais pas, oui, comme toi hein. Mais maintenant c'est presque de la blague. Ouais. Oui, j'imagine que même beaucoup de ces groupes, donc le NSBM, hein, donc le, c'est comme ça qu'on dit, oui, hein, c'est National Socialist Black Metal. Ouais. J'ose espérer que parmi les crétins qui ont fait partie de cette scène, il y en a où c'était juste de la provoque bête et méchante. Ouais, malgré tout, c'est la provoque. J'ai rien contre la provoque, mais pas quand ça touche à des sujets aussi sensibles. Quoi. Ah, c'est marrant que tu parles de ça, parce que toi qui es fan de punk, le mouvement punk, c'est aussi a beaucoup aussi provoqué avec ça dans les années 70 en Angleterre, c'est pas notamment. Pareil. Oui, effectivement, il y en avait qui portaient le brassard, bah, les Sex Pistols, hein, ouais, le brassard nazi, mais ça allait pas jusqu'à faire des saluts nazis, voilà. Avoir des paroles nazies, à prôner la supériorité de la race blanche. Mais on est en train de partir sur un truc dont je voulais pas parler, en fait. Pas parce que je veux l'occulter, mais parce que, je rappelle que l'un des principes de Cornelius Enzira, c'est on parle de ce qu'on aime. Ouais. Et, donc voilà, ça c'est un truc là pour le coup, je pense qu'on sera tous d'accord que dans la catégorie j'aime pas, ils sont vraiment voilà, ça c'est vraiment ouais. quoi, de ce que j'aime moi, absolument moi, pas moi les nazis, je les aime en méchant dans les films, c'est tout. Ouais, voilà, comme, voilà des nazis que où que ce soit dans l'Illinois ou ailleurs, je les aime pas. Donc donc voilà, ouais, non mais toujours c'est quoi ce morceau d'Enslaved, je le trouve vraiment mortel. Parmi tous les morceaux de cette A-piece, bah il y a vraiment la plupart des morceaux, je les trouve tous terribles, et celui-là, je vais pas faire un classement, mais je l'ai voilà pour préparer l'épisode, en faisant preuve de transparence, hein, oui, on écoute les morceaux des autres, ça se fait, et ouais, celui-là, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment kiffé, quoi. Moi, j'avais beaucoup aimé aussi le morceau d'Audrey Horn, mais là, Enslaved, alors peut-être parce que je connais justement mal ce style, ça m'a un peu plus surpris, on va dire. Audrey Horn, on va dire que on est en terrain connu, même si c'est super bien fait, hein, je rejoins ce que tu disais, Jérôme, moi aussi, hein, j'ai chanté toute la semaine, ce titre, je l'ai eu dans la tête toute la semaine, quoi, c'est un tube imparable, mais j'avoue, ouais, ce morceau d'Enslaved, il est vraiment excellent. Et puis je vais arrêter de parler et puis on va mettre le morceau. Donc on parlait de provocation, et ben justement on va parler d'un groupe qui aime beaucoup la provocation, donc groupe, je sais pas préciser, un norvégien, donc un groupe, je crois qu'ils sont d'Oslo, tu me corrigeras si j'ai une bêtise, hein, Gré Pigeon. Je t'avoue, je ne sais pas. Il me semble qu'ils sont d'Oslo. En tout cas, ce groupe qui s'appelle Turbo Negro, et donc un groupe que j'aime vraiment beaucoup, et ça a été difficile pour moi de, je dis, quel morceau je vais choisir, parce que je voulais, voilà, à la fois, bien évidemment, un de mes morceaux préférés, et puis j'avais envie aussi un peu de choisir un morceau qui décrit bien ce qu'est le groupe, et c'est pour ça que je me suis penché sur un, mon choix s'est porté sur un morceau de leur quatrième album, qui est sorti en 1996, un album qui s'appelle As Cobra, et qui s'appelle Denim Demon. Alors, pourquoi ce morceau? Alors c'est le quatrième album, même si on va dire que, alors peut-être que ça va faire mal aux oreilles de certains fans de Turbo Negro, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, on va dire que c'est le premier album qui est vraiment intéressant, notamment parce que le groupe venait d'avoir un nouveau membre qui s'appelle Euroboy, et qui est donc le guitariste soliste, et qui est vraiment un putain de guitariste, moi je trouve qu'il a des faux airs, pour les avoir déjà vus sur scène, je trouve qu'il a des faux airs de Pete Townshend, et également quand il joue, quoi, le gars a du talent. Donc ouais, l'historique de Turbo Negro, ce qui est assez intéressant, c'est que bah justement les débuts, c'est un groupe de punk parmi tant d'autres. Vraiment les premiers albums de Turbo Negro, leur écoute est dispensable. D'ailleurs même je crois qu'il y a un album qui est sorti sous un autre nom, ils ont changé de nom à un moment avant de revenir à ce nom Turbo Negro, et ils ont trouvé en fait donc leur identité, à savoir de pour ceux qui connaîtraient pas Turbo Negro, quelque part, c'est un peu, c'est Village People version punk rock. C'est ça. Dans le sens. Il y a la casquette. Ouais, voilà, dans le sens où, il y a aussi le chapeau de marin qui est l'emblème de Turbo Negro, et puis, et la casquette également, oui. Et, enfin, l'emblème, oui, c'est la casquette de cuir, donc la casquette un peu de. Oui. Comme ce qu'on imagine, voilà, la caricature du gay au goût un peu SM, voilà, c'est cette casquette-là, donc pour ceux qui verraient pas. Mais il y a aussi, donc, le bassiste qui arbore toujours un chapeau de marin et les petits chapeaux blancs sans bord, et voilà, ils le vendent également sur leur merch, et donc au concert de Turbo Negro vous verrez beaucoup de gens avec des chapeaux de marin, et aussi beaucoup de gens avec des vestes en jean, ouais. Et donc denim avec le fameux Turbo Jungen, donc c'est, il y a dans toutes les grandes villes d'Europe, il y a un fan club de Turbo Negro, et donc chacun, ce qui fait que chaque concert de Turbo Negro est une espèce de grosse fête, parce qu'il y a plein de membres de tous les Turbo Jungen à 200 ou 300 bornes à la ronde qui en profitent pour se retrouver. Donc les concerts de Turbo Negro, c'est toujours un bon moment de fun. Et mais donc pour revenir à l'histoire, donc le groupe s'est mis à décider de jouer la carte de la provoque en arborant une image de groupe homosexuel, mais complètement décomplexé. D'ailleurs les paroles parlent beaucoup de, voilà, ça parle beaucoup, bah d'ailleurs dans ce morceau Denim Demon, il est question de fellation, les questions de sodomie, voilà, on est vraiment dans le, on est dans le thème. Je sais pas si les membres sont, je crois pas qu'ils soient vraiment homo, mais à vrai dire, j'en ai rien à faire, qu'ils soient homo ou hétéro, je m'en fous, le principal c'est que c'est un putain de bon groupe. Donc voilà, il y a eu ces premières périodes avec les premiers albums qui sont fort dispensables à mon avis. Quand enfin le groupe trouve cette identité, et ce que n'a jamais caché Turbo Negro aussi, c'est une approche un peu cynique. Les gens de Turbo Negro ont envie de percer. Même dans des interviews, ils disent leur but c'est de jouer dans des stades. Alors il y a encore une fois, il y a un côté provoque, et il y a un côté peut-être qui est peut-être pas complètement faux. Et quand ils se sont vus que ça marchait, que les gens à partir du moment où ils se sont mis du rimmel sur les yeux, s'habillaient en jean et en truc moulant et en utilisant une image homosexuelle, ils sont du coup, parce que tiens, soudain, ils avaient plus de succès. Et puis en plus, moi je pense que le vrai tournant c'est d'avoir ce nouveau membre, ce nouveau guitariste qui a apporté un côté à leur punk rock, il a apporté un côté hard rock, un côté grandiloquent. Donc il y a cet album As Cobra, dont la pochette est un rip-off de Pet Sounds. Tu m'as retiré ce que je voulais dire. Je suis désolé, parce que c'est aussi un des grands trucs de Turbo Negro. Leurs paroles sont truffées de références à d'autres morceaux, également certains titres, hein, ils ont un morceau qui s'appelle Get It On, donc référence au morceau de T-Rex, un groupe de glam rock, qui est également T-Rex, qui est clairement une de leurs influences. Ils ont aussi un morceau qui s'appelle Hello Darkness, donc référence à Simon & Garfunkel. Ça part dans tous les sens, quoi. Et d'ailleurs, il y avait une interview de l'ancien chanteur, parce qu'ils ont changé de chanteur, qui expliquait qu'un coup sur Internet, il y avait quelqu'un qui s'était amusé à poster tous les rip-off en les traitant de plagieurs et en disant voilà tous les rip-off qu'ils ont fait dans leurs paroles. Et donc sa conclusion, c'était faut vraiment avoir une vie sexuelle inintéressante pour s'emmerder à faire ça. Et donc voilà, ça résume. Tout Turbo Negro, les gars, on n'a rien à foutre de rien. Alors, voilà, il y a ces... Pour moi, j'aurais du mal à dire quels sont mes albums préférés de Turbo Negro. Il y a As Cobra et l'album qui suit... bien sûr, j'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelle déjà l'album suivant ? Parce que c'est un groupe qui a plusieurs... Oui, il s'appelle Apocalypse Dude. Comment j'ai pu oublier qu'il s'appelle Apocalypse Dudes ? Donc là, ces deux albums sortis en 96 et 98. Pour moi, c'est... Pour beaucoup de gens, hein, c'est les meilleurs albums de Turbo Negro. Je crois même que Jello Biafra, le chanteur de Dead Kennedys, considère Apocalypse Dudes comme le meilleur album de rock de tous les temps. Alors, après vérification, en fait, la citation exacte de Jello Biafra, ce serait... donc, il aurait dit ça juste après la sortie d'Apocalypse Dude, et il aurait dit « Le nouvel album de Turbo Negro est l'album européen le plus important qui soit jamais sorti. » Bon, ça tempère un tout petit peu ce que j'ai dit auparavant, mais ça n'empêche, ça prouve à quel point cet album a marqué. Donc c'est quand même, voilà, c'est pour dire que si vous connaissez pas Turbo Negro, c'est un groupe qui a marqué bien au-delà de ses frontières. Et bah d'ailleurs, sur y a un tribute à Turbo Negro qui était sorti il y a peut-être 10 ou 15 ans, et c'était Therapy qui reprenait Denim Demon, le morceau qu'on va écouter juste après. Mais donc, suite à ces deux albums, il va y avoir un hiatus, le groupe va s'arrêter pendant quelques années avant de ressortir plusieurs albums, dont Scandinavian Leather et Party Animals, qui sont également deux super albums, mais il y a certains fans qui ont commencé à râler en disant oui, avant c'était du punk, maintenant c'est du hard rock. Bon, moi très honnêtement, j'ai toujours trouvé que voilà, ouais, avant c'était du punk avec une grosse louche de glam et de hard rock, maintenant c'est du hard rock à la sauce glam avec une grosse touche punk rock. On a un peu changé la proportion des ingrédients, mais ça reste une musique très énergique avec des paroles très marrantes et des solos de guitare grandiloquents. Je sais pas si Turbo Negro, c'est un groupe qui vous parle. Moi, je connaissais de nom et je connaissais surtout la réputation des Turbo Jugend qui se mobilisent en masse, hein, dès que Turbo Negro se déplace effectivement en Europe. Mais voilà, je connaissais pas plus que ça. Pour moi, c'est du bon punk, ça va tout droit. Enfin, je parle musicalement, hein. J'ai pas étudié plus que ça. Ils ont pas réinventé la poudre. Ouais, ouais. Mais c'est sympa. C'est efficace, en concert ça doit être cool. Ouais, quand je dis en concert, c'est vraiment la fête, et comme tu dis, les Turbo Jugend sont hyper actifs. Ah ouais. Alors, la plupart des mecs jouent dans des groupes ou organisent des concerts, donc c'est ça, je trouve ça aussi, ça rajoute, je trouve, à l'aura du groupe, le fait qu'ils ont une fanbase aussi active, et qu'ils aient été, c'est un groupe séminal, quoi. Il y a pas mal de, je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui se sont créés parce que les gens étaient fans de Turbo Negro, ou beaucoup d'assos sont montés parce que les mecs, voilà, ont monté un Turbo Jugend, et du coup, bah, comment tu fais vivre l'assaut, bah, en organisant des concerts, quoi. Donc, bah ouais. Donc ça, c'est vrai que ça rajoute, je trouve. Hein, ça, voilà, il y a aussi des, on a déjà ensemble discuté de Manowar, hein, Draven, et je trouve que ouais, il y a certains groupes dont la fanbase rajoute encore plus à l'intérêt qu'on peut porter à ce groupe, justement. Ouais, c'est ça. Et toi, Cédric, vu que t'es le local, est-ce que toi, depuis la Norvège, tu perçois la même chose ou tu vois ça différemment? Alors, c'est un groupe que j'ai découvert en venant en Norvège. Bon, ça fait maintenant quelques années que j'y habite, mais je connaissais pas du tout avant, et j'ai découvert la folie le jour où Turbo Negro est arrivé en ville. J'ai vu arriver une foule de jeunes, tous avec le visage peint. Ils ont vraiment leurs fans, comme tu l'as bien dit. C'est assez dingue. Alors, ma femme est allée à leur concert ce jour-là. Moi, j'y suis pas allé. Elle m'a dit qu'elle avait jamais vu ça. Une foule dans un état pareil, elle l'avait jamais vu encore avant. Et elle l'a jamais revu depuis. Donc je pense que même si on n'aime pas le punk, comme c'est mon cas, je pense qu'il y a quand même une expérience à faire d'aller les voir en concert. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, oui, je termine, j'ai oublié de vous dire pourquoi j'ai choisi ce morceau, notamment pour les paroles, parce que les paroles, en gros, ils expliquent qu'au début ils voulaient faire partie de la scène, mais personne n'a voulu d'eux, et puis tout d'un coup, bah, ils ont décidé qu'ils allaient devenir donc des Denim Demon, et puis bah voilà, soudain tout a changé. Donc c'est un un peu quelque part un, même si c'est sur le ton de la rigolade, et c'est un peu, je pense, un morceau un peu autobiographique. Donc je trouvais que c'était peut-être une bonne manière pour éventuellement les gens qui connaîtraient pas Turbo Negro d'aborder pour la première fois ce groupe. Bon les mecs, je vais vous ramener du côté obscur du métal norvégien avec donc on va repartir sur le black metal. Alors en quelques mots en fait, ce qui s'est caché, tu vois. En fait, il faut savoir ce qui s'est passé. Moi, je me souviens quand j'étais ado, j'achetais des magazines de métal. Il y avait, il parlait, oh, je parle du début, voire milieu des années 90, ça parlait un peu de black metal, mais c'était un quart de page sur tout le magazine, quoi. Et dans la deuxième moitié des années 90, d'un coup, il y a eu une explosion juste après qu'on soit mangé le néo-métal dans la gueule. Il y a eu la vague black metal, mais ça a été un truc de malade, ça a été un putain de raz-de-marée. Je dirais tout spécialement, enfin moi c'est ma vision du truc hein, mais c'est les têtes d'affiche, c'était Cradle of Filth et Dimmu Borgir. Bon, Cradle of Filth, on va dire ça compte pas, c'est pas des vrais parce que ils sont même pas suédois quoi, ils sont anglais. Donc vraiment rien à voir, alors que Dimmu Borgir voilà, c'est un groupe qui est norvégien, qui a fait partie du truc des débuts et tout machin. Mais ils ont eu une approche, bah, un peu comme Cradle of Filth d'ailleurs. Hein. Ils ont eu cette approche plus mainstream qui leur a permis de complètement exploser à un moment. Et alors moi je vais être franc. Bon, les deux premiers albums, ça reste encore du vrai black à l'ancienne, bien dégueu et tout machin. Et puis ils sont partis sur une formule un poil plus mainstream et puis surtout très plus mélodique si on veut pour du black en tout cas, mais surtout avec une approche symphonique en fait, avec notamment donc c'était les albums Enthroned Darkness Triumphant ou Spiritual Black Dimensions et Puritanical Euphoric Misanthropia. Mais pour être, moi j'ai pas accroché du tout hein, à l'époque je me disais qu'est-ce que c'est que cette saloperie. En fait, pour être franc, le côté orchestral qui était entièrement fait au synthé, je trouvais ça franchement bidon et j'accrochais vraiment pas. Mais pourtant voilà, ça les a pas empêchés de percer complètement, ce qui a d'ailleurs créé une espèce de vague de la part d'une partie de la scène black metal qui a considéré que c'était des traîtres du coup, tu vois, parce que c'est vrai que c'est pas du tout le but du black metal d'être mainstream, d'avoir les clips qui passent sur MTV et tout le bordel. Donc du coup la réponse à l'époque ça avait été de faire du true black metal, c'est-à-dire ceux qui voulaient continuer à enregistrer dans les caves ou au fond des grottes, et eux, ils faisaient du true black. Bref. Et Dimmu Borgir, n'empêche, ils ont continué sur leur lancée et ils ont sorti en 2003 un album qui s'appelle Death Cult Armageddon. Et là, ils se sont payés les services d'un vrai orchestre, puisqu'ils ont enregistré ça avec l'orchestre philharmonique de Prague. Et putain, tout de suite, je trouve ça apporte une autre dimension, quoi. C'était quelque chose que Cradle of Filth faisait aussi, hein, d'ailleurs, pour être franc de leur côté, avec comme ça des vrais ensembles orchestraux derrière. Et je dois dire, c'est une autre forme de black metal qui a fini par me séduire. Alors j'aime pas grand chose en vrai, hein, de Dimmu Borgir, je vais être franc, je dois aimer sur toute la disco. Bon, j'ai pas tout écouté non plus, mais je dois kiffer 3-4 morceaux, pas beaucoup plus, quoi. Mais putain, quand j'ai entendu ce premier titre là que je vais vous passer, donc qui est globalement le morceau d'ouverture de l'album Death Cult Armageddon, j'ai pris une claque pour l'approche complètement épique où là on met le paquet, on en voix, il y a l'orchestre, il y a tout le monde qui balance à mort, et en plus, il y a ce côté, il y a un côté mélodique en plus, parce qu'à l'époque, ils avaient un bassiste qui s'appelait ICS Vortex, qui c'est lui, à un moment, il y a un petit break, et c'est lui qui chante, enfin, qui chantait sur le break, et putain, je me disais, waouh, ok, il y a quand même, ça va, tu vois, ça change un peu du chant... black, que, enfin, sur lequel j'ai rarement accroché, quoi. Le chant de Chagrat, hein, pour pas le nommer, Chagrat qui est membre fondateur avec le gratteux Silenos. J'ai deux anecdotes marrantes à propos de ces gens-là. La première, ce qui me fait beaucoup délirer, c'est que quand ils ont créé le groupe, en fait, Chagrat qui est devenu le leader chanteur du groupe, à la base c'était le batteur, donc rien à voir. Et c'est le Phil Collins du black metal. Ouais. Il est chauve aussi, tu crois? J'ai honte. Lui non. et le gratteux Silenos, à la base, lui, c'était le chanteur. Comme quoi, okay. Voilà. C'est quand même pas courant, quoi. Effectivement. Et ouais, l'autre anecdote que j'avais, c'était, alors je me souviens, pour être franc, pas vraiment de l'année, mais ça doit être aux alentours de 2005, 2006, 2007, dans ces années-là. J'ai été quelques fois au Musikmesse, donc à Francfort, qui était le grand salon européen des instruments de musique, et il y avait possibilité en fait de voir, enfin, il y avait toujours des icos qui étaient là tous les ans pour signer des autographes, tu sais, ceux qui étaient sponsorisés par les marques de gratte et tout machin. Il y avait une année, il y avait le gratteux d'Arch Enemy, dont j'étais énormément fan à l'époque, ce qui n'est plus le cas d'ailleurs, et donc j'avais fait la queue, et en fait il se trouve que je me souviens plus maintenant de la marque de gratte, on s'en fout, mais il y avait plusieurs mecs qui signaient des dédicaces au même stand, et quand tu faisais la queue, tu passais devant tous, et en fait moi je voyais tous les mecs devant moi, ils prenaient les dédicaces de tout le monde, et il se trouve qu'avant le gratteux d'Arch Enemy, il y avait Silenos et Galder de Dimmu Borgir, et en fait moi je suis un des seuls, quand je suis passé devant Silenos et Galder, en fait je les ai regardés, mais je leur ai fait genre un petit non de la tête, parce que je m'en foutais, je voulais pas leur dédicace. Je voulais que celle-là. Tu vas pas me polluer mon morceau de papier, toi. Ouais, non, ouais, ça m'intéressait pas. Bref. Non, mais. C'est bon, ça. Voilà, Dimmu Borgir. Je suis pas un énorme fan, mais comme dit, cette approche méga symphonique et tout, je trouve qu'il y a quelques morceaux où ça envoie vraiment du lourd. Et en 2000, alors malheureusement, le bassiste là, ICS Vortex, qui faisait ce super chant mélodique, il s'est barré. Et c'est barré en 2009. Et en fait, au début des années, je crois que c'était 2000, 2011, 2012, en fait, ils ont fait plusieurs concerts avec tout un ensemble symphonique, mais là, on parle de, je crois, l'orchestre national de Norvège, un truc comme ça. Donc, il y a quand même une certaine forme de reconnaissance pour un groupe qui vient d'un style qui était censé être méga underground à la base. Ils ont fait comme ça plusieurs concerts avec les chœurs. Et en fait, ouais, le chant mélodique de l'ex-bassiste est remplacé par des chœurs et ils jouent en live avec tout l'orchestre et tout le bordel. C'est pour ça que j'ai préféré en fait choisir la version live pour pour la sélection de l'émission, parce que je trouve que ça, c'est pas évident ce qu'ils font en live. Alors on est d'accord, c'est du live ultra millimétré, peut-être même un peu retouché en studio, hein, je suis pas naïf à ce point, mais je trouve que ça envoie vraiment pas mal. Maintenant je suis conscient que ça reste du black avec son chant quand même très particulier et tout, mais je sais pas ce que vous en pensez, il y a quand même cette puissance, ce côté musique classique qui bourre à mort, moi ça me botte. Je t'avoue que j'ai du mal avec le mélange. Moi, le ouais. mélange comme ça, ouais, orchestral et black, je t'avoue que je suis un peu resté à côté. Alors, j'ai okay. pas trouvé ça insupportable, sinon je t'aurais dit, choisis un autre morceau, s'il te plaît. Mais, voilà, j'ai pas trouvé ça insupportable, mais c'est pas mon rayon, okay. clairement. Okay. Je sais pas, Cédric, ce que t'en as pensé, toi. C'est pareil de toute la sélection, c'est le morceau que, en plus, je me suis un peu fait souffrir moi-même parce que dans ma sélection Spotify, je l'ai mis deux fois. J'ai mis la version live et la version album pour pouvoir les comparer. Du coup, c'est le morceau que j'ai écouté le plus. Et j'ai le même sentiment que toi, Zaius. Moi, okay. la partie symphonique, je la trouve vraiment chouette. C'est vraiment sympa, mais c'est le reste du morceau que ouais. d'un côté je passe complètement. Quoi. C'est pas ma cam. Fire rage. Donc on va parler d'un jeune groupe, pour le coup, parce que c'est un groupe qui s'est formé en 2014 et qui est déjà à son quatrième album. Ils ont sorti un album par an. Il s'appelle Spider God. Alors c'est un groupe de chez moi, de Trondheim, qui font du pur hard rock. Alors c'est un groupe vraiment classique, guitare, basse, batterie, jusque-là rien d'étonnant. Sauf qu'en plus, ils ont un saxo, ce qui n'est pas très courant pour du hard rock. Alors j'ai pas grand chose à dire sur ce groupe là parce que outre le fait que c'est un super groupe en fait. Chacun des membres vient d'un groupe connu de Norvège et particulièrement de Trondheim. Notamment les premiers albums de Spider God étaient présents deux membres de Motorcycle dont on va reparler plus tard. Et le chanteur du groupe est aussi issu d'un groupe qui s'appelle Cadillac qui a eu sa petite carrière. Donc c'est pas un jeune groupe. Les membres sont pas, le groupe est jeune mais les membres ne le sont pas. Alors c'est un groupe avec des vraies influences bluesy. Trouve, et eux ils aiment citer parmi leurs influences Dio, Motorhead, Thin Lizzy, Iron Maiden et Judas Priest. Donc pour les gens moi, qui je trouve un petit côté Van Halen aussi dans le morceau ouais, que t'as choisi. Moi, alors pour le coup le morceau que j'ai choisi moi il me fait vraiment penser à du Foo Fighters. Ah c'est marrant, moi j'aurais juré entendre du Mastodon. En même temps tout va, c'est que des groupes que j'aime bien. Donc le morceau que j'ai choisi s'appelle Is This Love. C'est le morceau qui ouvre le dernier album qui s'appelle Spider God 4 et qui est donc une reprise de Bob Marley. Voilà. Non, j'étais mal. Non. Pour, il a pas osé. Pour moi, c'est vraiment un bon groupe de. C'est pareil. Hein, c'est comme Turbo Negro qui réinvente pas le punk. Spider God, c'est un groupe qui réinvente pas le hard rock. Ils font un bon gros hard rock à l'américaine, plein d'entrain. Pour moi, idéal pour les voyages en bagnole. C'est parfait. Donc, ouais. Ouais, mais je trouve que quand même le parce que pareil, j'ai beaucoup aimé ce morceau et ça m'a donné envie d'écouter un peu de tu vois d'aller un peu picorer un peu dans ouais. dans leurs autres disques et je trouve que l'utilisation du saxo est vachement bien faite. Alors j'ai pris une énorme claque parce que je les ai vus en concert il y a 6 mois maintenant et le saxo sur scène il est monstrueux, il a une œuvre. Il prend une puissance encore plus forte que sur le disque. Le batteur est très très fort aussi d'ailleurs. C'est un super groupe. Moi, c'est mon coup de cœur de la sélection. Hein. Moi, j'ai première écoute, j'ai tout de suite commencé à taper du pied, j'ai surkiffé. C'est le morceau que j'ai le plus écouté. J'adore. Ah, c'est cool. C'est vrai que c'est hyper efficace. C'est peut-être pour ça que ça te fait penser à du Foo Fighters, ouais. Cédric, dans le sens où c'est efficace. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit, quoi. Time, 7 years now. Alors, sans transition aucune, on va parler... alors, le premier groupe dont on a parlé, Audrey Horn, donc le nom du groupe est inspiré d'un personnage de série. Et bien voilà, là, un groupe dont le nom est inspiré d'une série ultra connue également. Alors, j'ai jamais su si on dit J.R. Ewing ou Junior Ewing, parce qu'en fait, moi, Dallas, ben, je n'ai jamais regardé. Donc, je sais pas comment on dit, mais toujours est-il que voilà, on va parler de en bon français de J.R. Ewing, donc un groupe... alors, je sais plus d'où ils viennent exactement en Norvège. Le principal, c'est qu'ils sont norvégiens. Donc, un groupe qui, des fins des années 90, début des années 2000, qui évolue dans un style qu'on appelait, à l'époque, on appelait ça du screamo. Hein, donc, voilà, scream pour chant hurlé, puis emo pour emo, quoi. Donc, groupe qui a pas réinventé le fil à couper le beurre. Hein. Il y a toute une flopée de groupes dans la même veine qui sont sortis à la même époque. Voilà, ça fait penser un peu à du Orchid. On peut aussi un peu penser quelque part un peu aux voisins suédois de Refused. Donc un cocktail très énergique. Donc le morceau s'appelle Repetition is Failure. Il est issu de leur album qui s'appelle Ride Paranoia, donc c'est le morceau qui ouvrait l'album, et moi je trouve ça un morceau, voilà, pas original du tout, mais hyper efficace, et voilà, ça donne envie de bouger la tête, de taper du pied, et ça fait pas de mal. Eh ben écoute, je vais partager un petit peu mon expérience sur ce morceau, je vais raconter un peu ma vie. Je l'ai écouté tout à l'heure en voiture, et pour rentrer chez moi, et j'ai fait un petit excès de vitesse à cause de toi, parce que le morceau, il est hyper entraînant, et ah j'étais bon vraiment dedans. Et j'ai appuyé sur la pédale sans me rendre compte. Non, j'espère pas. Je ne pense pas. Mais il est vraiment sympa ce morceau. Je suis pas, comme je l'ai déjà dit, je suis pas un grand fan de punk, mais là, j'étais bien pris par le morceau. Ouais. Ouais, bon, après, c'est pas du punk pur et dur, hein. Il y a d'autres influences. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un côté un peu, il y avait aussi un petit revirement. Il y a pas mal de groupes de screamo qui se sont mis ensuite à faire des trucs plus rock'n'roll. Et je trouve que ce morceau, il a un côté rock'n'roll. Et, donc ouais, je vais pas dire que c'est dansant, mais ouais, c'est entraînant. Il y a des sonorités, moi, que j'ai l'impression d'avoir déjà plus ou moins entendu dans des playlists précédentes, si tu veux. Donc, je pense pas que c'était ce groupe ni rien, mais en fait, ça m'a pas surpris de ta part, parce que c'est le genre de sonorité que j'ai l'impression, d'entendre régulièrement chez toi. Et j'ai en plus été très impressionné par le chanteur. Je dois dire, t'as déjà vu ces mecs-là en concert, parce que putain, le chanteur, il arrive à tenir. Non, mais tu sais quoi, le pire, c'est que à une époque où je vivais à Nancy, ils sont passés gratos à la fête de la musique. Oh, j'étais pas là. Donc j'aurais pu les voir, mais j'ai jamais vu en... Mais après, pour avoir vu une flopée de groupes de dans le même genre en live, les mecs, c'est comme tout, hein. C'est comme le chant guttural des groupes de métal, les mecs ils font des concerts de deux heures. Ça jouait certainement pas deux heures, mais c'est comme tout, hein, ça se travaille, quoi. Donc non, il y a pas de, je pense pas qu'il y ait de, bon, après j'ai été voir le morceau sur YouTube. C'est, moi je confirme ce que dit Draven, ça doit être quelque chose, hein, parce que le chanteur il se donne, hein. Il y avait effectivement à cette époque là à l'époque de cet album là et de l'album précédent, il y avait une espèce de petite hype. Alors dans le microcosme dans lequel j'évoluais, donc ça représentait peut-être que 40 personnes, mais il y avait une espèce de hype quand même, tout le monde était un peu à bloc dessus, et c'est peut-être aussi ce qui fait que moi je me suis moins intéressé, parce que des fois j'ai un peu le, voilà, par esprit de contradiction, quand tout le monde se met à surkiffer un truc, moi je suis je suis un petit pas de recul, on va se détendre un peu, hein. Mais j'avoue que voilà, ça m'a pas empêché d'aimer ce groupe là. en Norvège, il n'y a pas que du black metal. Je dois dire que c'était pas gagné hein, quand j'ai été invité dans l'émission. Sur le coup, j'étais super content. Et puis à un moment, j'ai eu une grosse transpiration. C'est-à-dire, j'ai regardé, j'ai dit merde, mais au fait, qu'est-ce que je vais bien pouvoir proposer qui soit pas du black? Parce qu'en plus, déjà, dans le black, j'aime pas grand-chose. Et enfin, ouais, c'était pas évident pour moi. Et je me suis souvenu, très tardivement d'ailleurs, hein, de l'existence de Gvelertak, qui est effectivement pas tout à fait, qui est pour le coup pas du black metal du tout, qui est en fait un peu à cheval entre le metal, le punk rock, le rock and roll, avec un chant qui lointainement peut aussi rappeler un peu le black metal, mais quand même, je pense plus supportable que les deux trucs que je vous ai fait subir tout à l'heure. Et Gvelertak, c'est plus direct, rock'n'roll, ça tape dedans et tout machin. Et le morceau là, 1985, qui est issu de leur troisième album Natsfert, je sais pas si ça se dit comme ça, qui est sorti en 2016. Quand il est sorti ce truc là, en fait, je l'ai écouté en boucle. Il a une sonorité. Il y a un truc vraiment bizarre dans ce morceau, je sais pas trop d'où ça vient, je sais pas ce que ça j'arrive pas à mettre le doigt sur ce que ça me rappelle ou je sais pas quoi, mais il y a vraiment une ambiance, enfin voilà, il y a un truc. Et je sais pas si vous avez eu l'occasion par contre de jeter un coup d'œil au clip, mais le clip est super chelou. Par contre, c'est tu vois des mecs, je sais pas moi, 35, 40 piges qui se réunissent, qui font des conneries, qui font des trucs un peu de... Ouais, on dirait qu'ils se réunissent pour faire un peu des conneries d'ados, qui font péter des chiottes ou qui éclatent des télés, des trucs comme ça. Et en fait, plus le clip il avance, plus tu te rends compte qu'en fait, c'est super malsain en fait. Et c'est un clip qui m'a foutu super mal à l'aise. Du coup, je préfère presque même pas y penser. En fait, il faut regarder jusqu'au bout hein, le clip, parce que au début, tu t'en rends pas compte. T'as juste l'impression que c'est des adultes qui font un peu les cons. Mais en fait, il y a limite un côté Orange Mécanique, un peu chelou, qui est sûrement voulu et en tout cas très réussi dans le clip. Et voilà, moi je connais pas plus que ça, et j'ai Gvelertak, hein, je parle, j'en écoute un peu de temps en temps, là, je trouve ça passe super bien. Ce qui me dégoûte, c'est qu'ils sont déjà passés pas loin de chez moi, et j'ai pas été les voir, et plus j'en écoute, plus je m'en mords les doigts. Bah moi justement, j'ai eu l'occasion de les voir, je les ai vus, alors moi c'est comme ça que je les ai découverts, mais j'ai des potes qui m'ont dit « tu vas voir, ça va te plaire ». Et je les ai vus, et ils ouvraient pour Anthrax et Slayer. Donc quand même quoi. Oh, énorme. Et très honnêtement, alors peut-être parce que j'avais déjà vu Anthrax et Slayer, mais j'ai été très impressionné par ce concert. J'ai vraiment trouvé ça mortel. Et, alors que bon, j'en attendais rien. Bah, bon, peut-être que j'avais été un peu conditionné, tu vois, quand t'as des potes qui disent ah si, peut-être que ça permet d'arriver, de prêter une oreille attentive et pas d'aller feuner, d'aller voir un peu ce qui se passe sur les distros et d'écouter d'une oreille distraite, quoi. Donc j'ai été attentif dès le début de leur set, et ouais, j'ai vraiment trouvé que c'est un bon groupe, et ce qu'ils font ensuite sur album, c'est du même acabit, quoi. Ça a pas révolutionné mon monde. Mais c'est un excellent groupe, et c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. C'est un peu l'invité de dernière minute de cette Ape List, mais c'est une excellente idée que tu as eue de proposer ce morceau. T'en penses quoi, toi, Cédric ? Ah, moi, j'adore. En fait, je connaissais le groupe. Ils tournent sur pas mal de mes playlists Spotify depuis un bon moment, et j'ai découvert aujourd'hui qu'ils étaient norvégiens. C'est grâce à Dramel. C'est drôle. En fait, c'est un groupe que j'écoute sans vraiment... C'est le genre de groupe, tu écoutes le morceau sans vraiment te dire « Tiens, j'ai envie de m'intéresser un petit peu à savoir ce qu'ils sont. » Donc du coup, je suis allé voir un petit peu aujourd'hui qui ils étaient. J'ai appris que c'était un groupe qui venait de Stavanger, la quatrième ville du pays. Et ils sont notamment chapeautés depuis quelques temps par Metallica et par James Hetfield, qui est très fan. Et qui les a pris un peu sous leurs ailes. Et moi, ils me font penser à Baroness au niveau du son. Moi je trouve ça mieux que Baroness. C'est peut-être moins produit. Baroness est très très produit, c'est très très clean. C'est peut-être un petit peu plus presque limite stoner, je trouve. Gvelertak. Mais le morceau là que t'as choisi, Draven, il est quand même, il est très rock, il est très tout droit même. La rythmique, c'est presque c'est presque du AC/DC quoi. Attention, c'est un compliment. C'est moi qui suis le punk de service de cet épisode. un morceau qui va tout droit comme ça me va parfaitement quoi. Ah mais j'adore cette rythmique tac tac tac tac tac tac tac tac, puis tu te prends dedans, ouais, et tout ça, ça te lâche pas du début à la fin, c'est trop bien. Et juste pour l'anecdote, j'ai lu aussi aujourd'hui que le Crown Prince, donc le prince qui est amené à devenir roi de Norvège, est un fan de ce groupe. Ah bah ça promet. Bah voilà. Ah, qu'est-ce que tu veux de mieux? Il va peut-être avoir un nouvel hymne national. C'est ça. Non mais ça c'est une belle recommandation. Voilà. Tu peux pas faire mieux. se quitter avec le gros morceau de ma sélection, en tout cas en ce qui me concerne, Motocycho, qui est aussi un groupe de chez moi, Trondheim. Et c'est un groupe culte, non seulement à Trondheim, mais aussi dans toute la Norvège. Juste pour donner une idée, lorsqu'on arrive à l'aéroport de Trondheim, on parcourt un long couloir sur lequel sont affichés une dizaine de portraits de personnalités qui font la vie, pas seulement le culturel, mais la vie de Trondheim, politique, tout ce qu'on veut. Et on y retrouve le portrait de Ben Satter, un des deux membres historiques du groupe. Alors, ils sont actifs depuis presque 30 ans maintenant. Ah ouais. Et je suis entouré de cinéphiles. Vous avez tous les deux un podcast consacré au cinéma, donc on va voir si vous êtes balèze en cinéma, en fait. Oh putain, voilà. Est-ce que vous l'avez pété. Attention, là, on... Est-ce que vous avez une idée d'où peut venir leur nom? Motor Psycho. Je sens que c'est une connerie. Ah bah bravo. Ah, pas du tout, pas du tout. Ah. Je sais pas, la scène d'ouverture du premier Mad Max. Ah là là, je suis déçu. Là, je suis surtout déçu pour Zaius. C'est vrai, je suis censé trouver. Cool. Ah bah quelqu'un qui est quand même fan de la culture underground et bis, tu aurais dû trouver tout de suite. Ah ouais, mais tu sais, il y a des trous béants dans ma culture. Hein. Vas-y, tu vois. Alors, j'ai pas la. Alors en fait, l'histoire, les deux membres du groupe historique, donc c'est Bent et Hans Magnus, ils sont allés voir un triple programme consacré à Russ Meyer. Et donc ils ont vu trois films. Ils ont vu Mudhoney, Faster Pussycat Kill Kill et Motorcycle. Et ils se sont dit, ah, Mudhoney, ça ferait un super nom de groupe, on va choisir ça. Et ils se sont rendu compte que c'était déjà c'était déjà pris. Merde, bon, excellent. Bah, on va faire Faster Pussycat, alors. Eh ben, mince, c'est déjà pris aussi. Ouais. Donc, du coup, on se retrouve, ils se sont retrouvés à s'appeler Motorcycle. Ah ouais, ça leur a plutôt réussi parce qu'ils ont fait, une super carrière. Alors, si vous pouvez rechercher l'affiche du film. Ah bah, elle doit pas être pissée d'un ton. Voilà, c'est du typique Russ Meyer. Alors, c'est un petit peu le Faster Pussycat Kill Kill, c'est son film, un de ses films les plus connus, ouais. Avec Vixen. Ouais, avec tous les Vixen. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, ouais. c'est sur l'affiche, on voit des femmes avec des poitrines opulentes, dirons-nous, et des voitures. Motorcycle, c'est des femmes avec des poitrines opulentes et des motos. Ok. Donc, alors, début, ils avaient un style qui mélangeait le metal et le grunge. Ça, on est toute fin des années 80, début des années 90, et c'est avec le temps que leur style va s'affiner pour tendre dans un style de plus en plus jazz, pour arriver maintenant à un style post-rock, rock progressif, voire psyché. Alors pour raconter un peu ma vie, encore une fois, j'ai eu la chance de voir Motorcycle plusieurs fois. Je vais pas dire combien parce que il passe souvent à Trondheim et donc j'y vais à chaque fois. Et à chaque fois, c'est une expérience incroyable avec des morceaux très longs, des concerts très longs aussi qui peuvent durer parfois plus de 3 heures parce qu'ils sont dans leur vie, ils ont leurs fans en face d'eux et ils se font plaisir et nous font plaisir. Et si vous avez la chance de voir Motorcycle en live, profitez-en, ça vaut vraiment le coup. Alors, ce que tu viens de dire ne m'étonne pas du tout, parce que il y a toute la deuxième partie du morceau, ça m'a fait penser à ce que Led Zeppelin faisait en concert autrefois. Ah, c'est marrant que tu dis ça, parce que ce morceau-là, justement, le guitariste, donc Hank Magnus, il a une guitare à double neck, comment ouais, on appelle ça okay. En français. Double manche. Ouais, double manche, voilà. Ouais. Ah bah ok, bah ouais, c'est marrant. C'est peut-être pas tout à fait un hasard, parce que vraiment, ouais. Ça ressemble aux expérimentations que Led Zepp pouvait faire lors de leur concert Fleuve qui pouvait effectivement durer 2-3 heures sans problème. J'ai bien aimé moi cette ambiance que j'ai découvert, hein, franchement je connaissais pas du tout, et j'ai noté une petite particularité musicale assez sympa. Alors, d'une part, je voudrais dire ça, c'est un super morceau à mettre aux gens qui te disent moi la basse je sais pas à quoi ça sert, parce que putain on entend que ça, ouais. Quoi, je veux dire, la basse elle arrête pas, elle est super présente. Faut dire que c'est le leader du groupe, hein. Le bassiste, ah ouais, il est d'accord. Chanteur aussi sur le morceau, et c'est le leader du groupe. Ok, ouais. Bah tu vois, alors dans le métal il y a plein de bassistes chanteurs mais on n'entend pas la basse, hein. Alors que là, putain, franchement c'est vraiment énorme. Et il y a une petite curiosité que j'ai trouvé super marrante, c'est qu'au début du morceau, en fait, c'est il y a la guitare qui tourne en boucle un peu avec toujours la même chose, et c'est la basse qui va faire plein de variations, qui va faire toute la richesse du truc. Et dans la deuxième partie du morceau, ils inversent justement la partie un peu instrumentale. Qui me c'est fait excellent penser à t'as remarqué ça, parce que moi je l'ai vu sur scène, je les ai vus faire sur scène, donc c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Mais toi, tu à la première écoute comme ça, tu ouais, enfin je l'ai écouté quelques fois, mais oui, non, il y avait un truc qui me travaillait, tu vois, et je me suis rendu compte au début, je me suis dit putain la basse elle est super présente, et en plus d'être présente, elle enrichit vraiment le truc, et du coup la gratte n'est là que pour faire la rythmique. Et c'est vrai que plus tard dans le morceau, je me suis rendu compte putain ils font l'exact contraire. Là t'as la basse qui tourne en rond. Et c'est la gratte qui va se lâcher, qui va partir sur des trucs, et comme dit, qui m'a fait penser en plus un peu à Led Zepp. Donc sympa, belle découverte. ainsi se termine cette Ape List. Merci beaucoup Grey Pigeon et Draven d'avoir accepté l'invitation. Donc je le rappelle, hein, Grey Pigeon, on peut te retrouver avec ton compère Spades dans Comicsphere, et toi Jérôme et qui est Draven, hein, on peut te retrouver en compagnie de Julien dans 24 FPS. Donc merci encore, c'était vraiment chouette de parler de ça avec vous. Merci beaucoup Grey Pigeon de nous avoir fait découvrir ouais, un peu plus la culture norvégienne. Ouais. Ah bah merci à toi Zaius. Je crois qu'en 2019, Draven va venir chez toi, hein, pour fêter. Il est le bien. Pour fêter le 17 mai. Mais franchement, ça a l'air trop bon enfant. Moi, j'adore. Ça a l'air vraiment décontracte. J'aime bien. Je préfère, franchement, même limite. Ah, je vous accueille tous les deux avec grand plaisir. J'ai une très grande maison. Il y a de la place. Cool. Vous êtes les bienvenus. Ah bah écoute, l'an prochain, on enregistre cet épisode dans ton jardin. Yes. Excellent. Mais on s'en fout. Avec des grands parapluies, ça peut passer. Ça peut faire une ambiance sonore magnifique. C'est vrai. Bon, voilà, donc merci beaucoup d'être venu, merci à vous de nous avoir écoutés. Donc voilà, vous pouvez retrouver Cornelius Enzira sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tous ces trucs là ça sera dans le descriptif de l'épisode. Donc il est temps de se dire au revoir. Dire comment on dit au revoir en norvégien, Grey Pigeon? Ha de bla. Voilà, donc d'ici au prochain épisode, voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et à bientôt les Spartiates. Ciao. Messieurs les censeurs, je vous dis crotte! Je fais bien gaffe à plus dire aucune bêtise pour pas avoir de bonus en fin de podcast. Ouais, fais chier, putain. Putain, je peux plus les insulter, c'est des connards. Ah bah ça va être sympa. Ah bah de toute façon, le podcast, c'est avant tout une ambiance des copains. Eh oui. Moi, c'est vraiment parce que tu m'as menacé, sinon j'aurais jamais fait cet épisode. Oh oui, c'était, surtout que c'était absolument pas ton idée. Corne de bouc, il est fort, votre café, Willy, hein? Willy, vous êtes viking. Et à ce titre, vous violez, vous pillez, vous écartelez des traîtres et vous tabassez les boucs avec une batte. Bravo, Willy. C'est un des premiers groupes où je me suis dit, dans le black, il y a quelque chose. Ah bah, mais écoute, merci, parce que je vais écouter. Dans tous les styles, il y a certainement à creuser. Ouais, hein, ouais. Je pense pas qu'il y ait de mauvais styles, hein, il doit y avoir que des mauvais groupes. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est beau ce que j'aime dire. C'est génial, ouais, franchement, celle-là, je te la piquerai. Excellent. Moi, j'attends la playlist où il y aura du Patrick Fiori et... Voilà. J'ai dit, arrête. Je sais pas pourquoi ce nom m'est venu comme ça en tête. J'ai honte. Bah là, c'est sûr, t'es dans le bêtisier. Merde. Oda! Oda! Oda! Bon, bah voilà, on a bien rhabillé Draven pour l'hiver avec son super morceau de Black Metal. Ça va être un bon tour de... Mais c'est pas pour les vrais blackeux. Pour les vrais blackeux, ça c'est pas du vrai black. Hein. Certainement. Mm. Mais bon, je sais pas si je sais ce que c'est que du vrai black finalement. Enfin, j'en ai une vague idée, mais ça me fatigue vite. Est-ce qu'on a envie de savoir? Ouais. C'est pas sûr. Ouais. Non. Bon, non. Bon, bref. Franchement, non. On va te laisser enchaîner, Cédric. Oui. C'est vrai que vous buvez du plomb en fusion, hein, et que vous êtes sans merci, vous les Vikings, hein? Sûr d'ici, s'il vous plaît. Je dis oui.